nations, stop deportations. No borders, no nations, stop deportations. Mali. J'ai deux enfants qui sont nés ici et je suis en Belgique depuis maintenant 10 ans. Pendant plus de 8 ans, je me suis battue pour avoir mes papiers. Depuis 16 juillet 2008, j'existe pour la Belgique. J'ai un numéro national et je suis quelqu'un. Pendant toutes ces années, j'ai connu toutes les procédures de régularisation. Première demande et 6 refus. Le Conseil d'État et la modification de loi des changements d'avocat. Un titre de séjour qu'on les donne et qu'on les reprend. Se retrouver sans revenu, 3 ordres quitter les territoires et pour un pays en guerre et sans gouvernement. Tout cela alors que mes enfants étaient encore petits. Comment répondre à leurs questions? Comment leur expliquer que nous n'avons qu'un droit sur le territoire belge? Malgré tout ça, j'ai dû subir, j'ai gardé ma dignité. C'est la seule chose qu'on a tous nous vous enlever. Le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui est un message d'espoir et un message de soutien pour tous ceux qui sont ici et ceux qui sont enfermés dans le centre. Vous n'êtes pas seuls. Une procédure de régularisation, c'est une grande tunnel dedans, on ne voit pas la fin. Gardez toujours l'espoir, le courage et la force de lutter. Il ne faut jamais baisser les bras. Grâce à mes amis qui m'ont soutenu pour les besoins de mes enfants, j'ai trouvé la force de continuer à me battre. Je tiens à remercier à mes amis, les assistants sociaux, mon troisième avocat qui est le seul qui a cru en moi, l'école de mes enfants et les gens qui m'ont soutenu par la pétition, les journalistes qui m'ont fait parler de ma situation. Merci à tout le monde. C'est un petit pays, cosy, cosy, cosy, on y manque de rien, de soleil peut-être bien. 11 ans déjà et je ne m'habitue pas, je ne m'habituerai jamais. On défraye le plafond, on ferme les frontières, ça fait tourner l'argent, ça maintient les filières. 11 ans déjà et je ne m'habitue pas, je ne m'habituerai jamais. Je ne m'habituerai jamais. aujourd'hui reviendront demain. Entortillés par l'office, arrosés par la police, nous aussi on le reprendra le chemin. C'est de la sorte qu'on que la prison et le bourreau. On devient fou, innocent et centre fermé, 11 ans déjà et je ne m'habitue pas, je ne m'habituerai jamais. C'est inhumain, c'est con et c'est dangereux, ça me rend malheureux, je vais casser les mains. 11 ans déjà et je ne m'habitue pas, je ne m'habituerai jamais. Je ne le saumon vous dit que la vaudoise est malade, il faut le croire. Car tous deux vivent dans la Meuse et sont des poissons. Parce que moi qui vous parle, j'étais dans cet enfer qui est devant nous, qui est le centre fermé. C'est un lieu d'un endroit, car là-bas nous n'avons pas la possibilité de faire des recours possibles. Et il y a l'oppression, le racisme visible et toutes les vices qui sont contraires à la démocratie. J'y étais et je vous le dis en vérité que c'est une tache noire dans l'histoire de la belle Belgique, ma terre d'accueil. Les Belges sont chauds avec les immigrés, mais la politique est froide avec eux. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement d'agir avec urgence dans le dossier des sans-papiers. Ils sont dans les décombres, les minutes sont à compter, faut les sauver. C'est un véritable Haïti en Belgique et l'urgence s'impose. Dans ce monde où rien n'est donné, le sans-papier doit savoir faire face, sacrifice à sa tâche, ne jamais baisser les bras et garder l'esprit de combativité. Au bout de l'effort et de l'effort persévérant, nous arriverons à retrouver notre dignité perdue. Chaque génération des sans-papiers a le choix entre trahir et accomplir sa mission, qui est celle de trouver sa dignité en tant qu'être humain. Celui qui lutte peut gagner, mais par contre, celui qui ne lutte pas a déjà tout perdu. Pour finir, nous avons le cœur en émoi et le moral criblé de dettes à l'égard des Belges, des comités de soutien qui sont toujours ici. Nous pouvons citer à l'exemple du CRACPE, le Relais, le Point d'appui, la FGTB, la CSC, les Femmes Prévoyantes Socialistes, le Point d'appui et autres. Merci beaucoup.